Dis-nous, dans le cadre donc de cette lutte que mène le Mali contre le terrorisme, comment est-ce que vous voyez l'apport de la Russie? Vous avez évoqué la Russie dans le cadre de votre première prise de parole tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est un partenariat aujourd'hui qui puisse amener le Mali à pouvoir gagner cette guerre? Je rappelle aussi que juste à côté, le Burkina aussi est engagé dans une très grande collaboration avec la Russie dans le cadre de cette même guerre contre le terrorisme dans le Sahel. Oui, absolument. La Russie, c'est un partenaire stratégique important. Déjà, pour d'abord, pour répondre à vos questions, il faut d'abord revenir un peu en arrière. J'ai suivi une déclaration, il y avait une interview donnée par, je crois, c'est le ministre de la Défense du Mali, qui expliquait que pendant longtemps, le Mali n'était même pas en mesure, il n'avait que l'armée de terre, ils n'avaient pas de composants aériens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sollicité la France pour venir les aider lorsque les djihadistes étaient en train d'attaquer. Ils ont demandé à la France un appui aérien en termes d'informations satellites et de bombardements aériens. Alors, le ministre de la Défense du Mali expliquait qu'ils avaient commandé et payé un avion de transport aux États-Unis, c'est-à-dire un simple avion de transport, pour acheminer vers les zones où ils étaient attaqués, pour acheminer des renforts et des approvisionnements. Et ce simple avion n'était pas livré par les Américains. Donc, quand vous voyez aujourd'hui le Mali, l'armée malienne n'a jamais été aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de continuer à renforcer l'armée malienne dans toutes ses composantes pour faire en sorte, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, que quelqu'un qui se mette en face de l'armée malienne, qu'il sache qu'il est en danger de mort. C'est-à-dire que quand il sort, il faut qu'il est en face d'une des hélicoptères d'attaque, des avions de combat, des avions d'appui tactique, une artillerie lourde qui va leur infliger des dégâts tels que les gens vont soit se rendre, soit se perdre dans le désert. Donc c'est ça. Le Mali doit d'abord commencer par, doit continuer à renforcer son armée. Et ce renforcement passe par, d'abord par l'alliance avec la Russie, parce que c'est la Russie qui a commencé à fournir un armement de qualité au Mali, parce que depuis le Mali n'était pas armé. Le Mali était moins bien armé que les terroristes qui l'attaquaient. Parce que quels sont les gens qui attaquent le Mali et les autres pays? Parce qu'il faut bien comprendre que comment on dit ça, l'insécurité qu'il y a, elle est fabriquée, elle est voulue. Parce que si vous n'avez pas d'insécurité, vous n'avez pas appelé les Occidentaux à l'aide. Donc, cette insécurité est fabriquée parce que le président Bazoum, aujourd'hui qui n'était pas encore président, avait dit au président Obama, don't attack Libya, n'attaquez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, toute l'Afrique sera en insécurité. Toute l'Afrique sera déstabilisée. Mais ils le savaient. Donc, en détruisant la Libye, ce n'est pas les enfants de cœur, ils savaient qu'ils allaient disperser, ils allaient exporter l'insécurité dans tous les pays et qu'en retour, tous ces gens allaient les appeler au secours pour qu'ils viennent s'implanter et rester et s'installer. Voilà le but de l'insécurité. Donc, il faut que le Mali poursuive la modernisation de son armée, le renforcement de son armée, parce que, en tant qu'expert en économie, je peux vous dire une chose, il n'est pas possible de développer l'économie si le territoire n'est pas défendu. C'est pas possible. C'est comme si vous mettiez beaucoup de richesses dans votre maison et qu'il n'y a pas de porte. Ben, votre richesse va s'en aller tout de suite. Si vous mettez beaucoup d'argent dans votre maison sans que la porte soit fermée et lourdement fermée, mais l'argent va disparaître tout de suite, parce que les propriétaires vont venir récupérer. Donc, la première chose à faire dans un pays, c'est d'abord le défendre. Donc, le défendre, donc, c'est deux, il y a au moins deux composantes. Première composante, le Mali doit poursuivre dans la voie qu'elle a commencée, de renforcer son armée, d'en faire une armée extrêmement forte. Et les Maliens ont une tradition, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une tradition de guerre, parce que ça a quand même été fondé par le grand l'empereur Sundiata Keïta, qui vous rappelez son histoire, c'est un enfant qui est né infirme, mais les voyants avaient dit, les dieux avaient dit qu'il était promis à un très grand avenir. Et pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, il est resté infirme jusqu'au jour où on s'est moqué de sa mère. Et sa mère l'a frappé. Et le griot a dit, voici le grand jour, Marie Tata, fils de Sogolon, lève-toi. Et donc, bref, une grande histoire. Il s'est levé ce jour-là, il a retrouvé toute sa vigueur. Il est devenu un très grand guerrier, le grand Sundiata Keita, qui a, elle a vaincu le grand roi sorcier Sumaworo Kante. Donc, ces Maliens qui sont là aujourd'hui sont dans cette lignée-là. C'est une lignée de grands guerriers. C'est une lignée qui a fondé un empire, un des plus grands empires de l'Afrique, qui a été à l'origine de la première université. Je l'ai dit souvent parce que nous sentons, on a souvent envie de nous dire que nous sommes, nous n'avons jamais rien fait. Fondée en 1234. Donc, il faut qu'ils renforcent donc leur armée. Et ça passe également par l'alliance stratégique avec la Russie. Ça, il ne faut pas se le cacher. Parce que la Russie n'est pas intervenue dans la marchandisation des Noirs. Parce que la Russie a refusé en 1884-85 de se mêler dans le découpage, dans le pillage de l'Afrique. Et parce que la Russie est intervenue dans la colonisation pour nous aider à nous décoloniser. Et Vladimir Poutine lui-même est intervenu en Afrique pour combattre, notamment dans deux pays africains. Donc, ça passe nécessairement par l'alliance avec la Russie, parce qu'on a vu que l'histoire nous a montré. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas l'amour. C'est une question de choix stratégique. L'autre raison pour laquelle il faut l'alliance avec la Russie, c'est parce que nous avons la même vision stratégique. La Russie est pour un monde multipolaire. Les Occidentaux n'acceptent pas un monde multipolaire. Ils sont pour un monde unipolaire, dominé par les États-Unis d'Amérique et dominé par l'armée américaine. Donc, voilà comment eux fonctionnent. Nous sommes pour un monde multipolaire, tout comme la Russie, tout comme la Chine. Donc, nous avons la même vision stratégique. Donc, nous encourageons le Mali à développer ce partenariat afin d'être en mesure de défendre son territoire contre n'importe quel adversaire, tout simplement. Tchakounté. Afrique Média, le monde, c'est nous.